à la République de Genève. Magnifique, très honoré et souverain Seigneur, ayant eu le bonheur de naître parmi vous, comment pourrais-je méditer sur l'égalité que la nature a mise entre les hommes et sur l'inégalité qu'ils ont instituée, sans penser à la profonde sagesse avec laquelle l'une et l'autre, heureusement combinées dans cet état, concourent, de la manière la plus approchante de la loi naturelle et la plus favorable à la société, au maintien de l'ordre public et au bonheur des particuliers. Si j'avais eu à choisir le lieu de ma naissance, j'aurais choisi un état où personne n'eût pu se dire au-dessus de la loi et que personne au dehors n'en pût imposer que l'État fût obligé de reconnaître. Car, quelle que puisse être la constitution d'un gouvernement, s'il s'y trouve un seul homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion de celui-là. Et, s'il y a un chef national et un autre chef étranger, quelque partage d'autorité qu'il puisse faire, il est impossible que l'un et l'autre soient bien obéis et que l'État soit bien gouverné. Les peuples, une fois accoutumés à des maîtres, ne sont plus en état de s'en passer. S'ils tentent de secouer le joug, ils s'éloignent d'autant plus de la liberté que, prenant pour elle une licence effrénée qui lui est opposée, leur évolution les livre presque toujours à des séducteurs qui ne font qu'aggraver leur chaîne. Mon père, je l'avoue avec joie, n'était point distingué parmi ses concitoyens. Il n'était que ce qu'ils sont tous. Et, tel qu'il était, il n'y a point de pays où sa société n'eût été recherchée, cultivée, et même avec fruit, par les plus honnêtes gens. Il ne m'appartient pas, et grâce au ciel, il n'est pas nécessaire de vous parler des égards que peuvent attendre de vous des hommes de cette trempe, vos égaux par l'éducation, ainsi que par les droits de la nature et de la naissance.